la violence monte. Qu'est-ce que ça m'aide? Combat, gas bangers and all that. La violence monte. Qu'est-ce que ça m'aide? Niggas keep killing. La violence monte. Qu'est-ce que ça m'aide? Combat, gas bangers and all that. La violence monte. Qu'est-ce que ça m'aide? Niggas keep killing. Yo, la violence monte. Et les temps ont changé, je sais plus quoi faire. De tous mes frères ici, si bel enfer. Maintenant les jeunes dames deviennent des mères, sont même des partenaires. La vie leur a laissé un goût amer. Maintenant c'est quand pour s'en y'a plus de pères. Ces jeunes filles vendent leur chair. Pendant le fer, vont partie de la guerre. Qui se passe dehors à chaque soir, normal on se couche tard. Et si y'a plus de rêve, nos vies ressemblent plus à des cauchemars. Alors pour oublier, on devient des soulards. Ces jeunes connards, sans fondation, on cause du bobard. Mais malgré ça, on fait des dollars. En gros, pile en train de marcher une ligne de vie qui est si fragile. En plus, cousin, yo, le chat, c'est cousin. Ils peuvent toucher nos destins, faire perdre la vie de vos copains. La violence monte. Et ça, c'est sûr et certain. Le mot se tire à se faire un chichette de bon et de sain. Et yo, la violence monte. Qu'est-ce que ça m'amène? Combat, gas, bangers and all that. La violence monte. Qu'est-ce que ça m'amène? C'est la rage, mon frère. Niggas keep killing. La violence monte. Qu'est-ce que ça m'amène? Combat, gas, bangers and all that. La violence monte. Qu'est-ce que ça m'amène? Yeah. C'est la rage, mon frère. Niggas keep killing. Yeah. Une autre embrouille, un autre mec frustré. Dress code strict, les conséquences ne peuvent pas rentrer. Tu sais, pour une casquette de travers, condamné à la porte. Lui et ses poils pour une connerie, ici s'emporte. Alors c'est coup de tête, coup de poing, fausse réalité. La copine le tire par la main, et y'a rien à faire. Entêté, tout va la prêter. Lui dit-il stressé, et motivé à tout niquer. Devant le club, ils vont s'affronter. La violence monte et les frères se foutent des claques. Pas besoin de se faire prendre comme une salope dans un 4-pattes. Y'a pas ni dos dans ce que je te relate. Les architectes ici pour prendre la ligne droite. Les histoires de bif, y'a rien de positif. Regarde craintif, la méfiance. Surtout quand tu fais face à un gars qui ne pense qu'à l'offense, y'a urgence. Une autre soirée foutue en l'air. Un autre bif qui va finir revolver. La violence monte, mon gars. Qu'est-ce que ça mène, stacan. Love to try les architectes. Pense pas que nous y'a des architectes. Comment, comment. Nos business des gars volants. Mon gars, je crasse des gars violents. Grab volant, dérape et on laisse ton ass volant. Nos gars veulent jack mon shit. Comme s'ils s'appellent Jack mon chest. Quoi ce caca? Fais ton rap mon chef. Regarde comment la violence monte. Appelle les gars volants se montre. Raster dans les bars, la tristesse, violencement. Trop de bif arrive dehors, mon gars, quand même je m'agrippe. Et je rappe, j'écris à chaque jour, mon gars. Et même si j'ai ma grippe, faut qu'on rise haut cette année, j'ai mis Millennium. Fucking ami Rain avant le nouveau millennium. Si t'es fake, j'place ton mascara. Provoque mascaré. Si t'es masse, arrête. Après ça, j'dérange ta mascarade. On arrive en mascaré. Acropole des mascariards. Carrément. Devant les jigs, j'mens carrément. Faut que j'mange, puis que j'monte. J'laisse le John froid comme si j'étais de la menthe. Une ambiance froide, j'ai des gamins. Donc j'fais un dégainement. T'as le rap, les wax sont le cancer. Et ça se remarque en show, en radio, puis en concert. Pense qu'ils sont des phénomènes. Pense rapper, c'te fait normal. Non, on est fait normal. Jamais mon gars, j'te passe le normal. Qu'est-ce que ça m'amène? Combat, gas bangers and all that. La violence monte. Qu'est-ce que ça m'amène? C'est la rage, mon frère. Niggas keep killing. C'est seulement mon instinct qui me reste. C'est mon destin puis le monde externe qui me stresse. Mon uniforme reflète ma tristesse. Y'a rien de simple, j'fais rien comme tout ce qui sort de justesse. Les profondeurs de mon âme confusent, les rimes naissent. J'affronte comme seul et mille monde entier. Sans plier, je reste sur le sentier. C'est rare que je me sens bien, ressens le danger. Ça se passe à MPL, j'suis soldat à toute épreuve, prêt pour l'extrême. À la dérive comme les autres s'en vont où la haine les mène. Restez honnête, citoyen normal, c'est plus normal. Faut de la maille, mon cash, m'en fous de plus en plus d'avoir de normal. Mais avant le cash, la gloire, même la loi. Prime la loyauté dans ce monde de merde, y'a rien de plus fort que noyau que j'ai. J'me unis de faire tellement, vraiment, universellement. Lucifer sème le vent, les nuits n'ont des phrases, plus les vers seulement. J'me unis sincèrement, pur sincèrement, sincèrement, sincèrement. Chaque fois qu'un frère crève d'un cœur, j'en ai serment. La violence monte, qu'est-ce que ça m'amène? Combat, gas, bangers and all that. La violence monte, qu'est-ce que ça m'amène? C'est la rage, mon frère. Niggas keep killing. La violence monte, qu'est-ce que ça m'amène? Combat, gas, bangers and all that. La violence monte, qu'est-ce que ça m'amène? C'est la rage, mon frère. Niggas keep killing. La violence monte, qu'est-ce que ça m'amène? Combat, gas, bangers and all that. La violence monte. Qu'est-ce que ça m'amène? C'est la rage, mon frère. Niggas keep killing. La violence monte. Qu'est-ce que ça m'amène? Combat, gas, bangers and all that. La violence monte. Qu'est-ce que ça m'amène? C'est la rage, mon frère. Niggas keep killing. La violence monte. Qu'est-ce que ça m'amène?